Thema, unsere Seele ist der Unterschied. On va continuer avec notre message, et notre message, notre thème, c'était la différence et notre âme. That your spirit is born again. Never threaten Satan. Mm-hmm. Dass dein Geist wiedergeboren ist, ist keine Bedrohung für den Satan. Le fait que ton âme et que ton esprit est né de nouveau, le diable n'est pas, ça ne concerne pas. Amen. Il n'est pas menacé. Our spirit never threaten Satan, but our soul. Unser Geist ist keine Bedrohung für den Satan, aber es geht um unsere Seele. Notre esprit n'est pas une, ça ne menace pas le diable, mais il s'agit de notre âme. Amen. I put it this way: a safe spirit never threatens Satan, but a safe soul. Mm-hmm. Ich formuliere es anders: ein erretteter Geist bedroht nicht den Satan, sondern eine unerrettete Seele. Eine errettete Seele. Donc je veux le formuler comme ça. Je peux le dire? Eine errettete Seele. Une âme. Non, un esprit sauvé n'est pas une menace pour le diable, mais une âme sauvée, c'est ça qui est la différence, ouais. Une menace pour le diable. Amen. And that's why you can see churches again, born again everywhere. Amen. But people are not free. They're in different bondages. Und deswegen kann man auch in vielen Gemeinden beobachten, dass viele Menschen wiedergeboren werden, aber diese Menschen befinden sich immer noch in Gefangenschaft. Et c'est pour cela que tu peux voir dans des églises, il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, mais toutes ces personnes-là sont dans des captivités. Amen. John 8 says you shall know the truth. In Johannes 8 lesen wir, du werdet die Wahrheit erkennen. Jean 8 nous dit qu'on va connaître la vérité. He's talking about your soul. Und da geht es um deine Seele. Et là, il parle de ton âme. Your spirit already have the truth. Denn dein Geist beinhaltet bereits die Wahrheit, wenn du errettet bist. Parce que si tu es né de nouveau, ton esprit a déjà la vérité. Amen. If you look at that, Jesus was talking to believers. Let us go. John 8. Wir lesen Johannes 8 und sehen, dass Jesus zu Gläubigen gesprochen hat. On va lire Jean 8 et on va voir que Jésus-Christ s'adressait à des croyants. Praise the Lord. Amen. Ceux qui lui appartiennent. John 8. Amen. From verse 30. Johannes 8, verse 30. Jean 8, verset 30. As he speaks these words, many believe on him. You see, he was speaking to believers, not unbelievers. Er sprach zu Gläubigen und nicht zu Ungläubigen. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc, ça nous fait voir que les gens qui écoutaient, entendaient ça, croyaient, c'était des croyants. Verse 31. Then said Jesus to those Jews which believe on him. If you continue in my word, note this word, continue. To continue, repentance is to be, you are to allow your repentance to continue. It's not you are today, there's repentance, tomorrow no. Amen. You are accepting correction today, tomorrow no. You allow it to continue. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, und das ist ein sehr wesentlicher Bestandteil der Buße, dass man in seinem Wort bleibt und in seinem Wort fortsetzt, denn es geht nicht darum, dass man heute in Christus ist und morgen dann wieder alles vergisst und dann nochmal Buße tun muss, sondern man muss in diesem Wort verbleiben. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il s'agit du mot demeurer. Donc quand tu fais, même quand tu fais la repentance, tu dois demeurer. Il s'agit toujours de continuer en Jésus-Christ. It's not one time affair here. You see it here. Amen. C'est keine einmalige Sache hier. Ce mot demeurer, ça nous fait voir qu'il ne s'agit pas d'une chose que tu fais une fois, c'est une chose que tu fais continuellement. It's not time there for the ministry now, but no, next time no. Es geht nicht darum, einmal für die Gemeinde da zu sein und beim nächsten Mal zieht man sich zurück. Et il ne s'agit pas d'être là pour l'église aujourd'hui et demain tu te dis, ben hier j'y étais, mais aujourd'hui je ne veux pas le faire. If you continue in my word, then are you my disciples indeed? And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Yeah, Jesus was Verset talking 32. About their soul. Und hier spricht Jesus über deren Seele. Et ici Jésus-Christ parle de leur âme. Amen. You know, it is, you know, your spirit is already saved, but your soul needs your salvation. Denn dein Geist ist bereits wiedergeboren. If you believe Christ, if you have prayed the prayer of salvation, but your soul needs that salvation that is already in your spirit. Wenn du wiedergeboren bist, dann ist dein Geist bereits errettet, aber deine Seele erfordert oder braucht diese Errettung von deinem Geist. Das muss auf deine Seele übergehen. Si tu nais de nouveau, ton esprit est déjà est parfait, mais ton âme à travers le renouvellement de pensée, c'est là que ce qui est dans ton esprit va sortir à être dans ton âme. Praise the Lord. Amen. Amen. You can see that Jesus was talking to believers there. Und wir sehen hier, dass Jesus sich an Gläubige adressiert hat. Et tu peux voir que ici Jésus-Christ s'adressait à des croyants. Amen. You know, as Moses, you can never know the only true God. Und durch Mose wirst du niemals in der Lage sein, den wahrhaftigen Gott zu kennen. Et à travers Moïse, tu seras pas capable à comprendre, à connaître le vrai Dieu. Amen. The Jews, they were already, you know, they know, they were used to Moses' laws. Amen. Before the coming of Christ. Amen. But they could not know the truth. That Jesus now said, to know the truth, you have to believe my word. My word and not Moses' word. Den Juden beispielsweise war die Gesetze von Mose und das Wort sehr bewusst vor dem Kommen von Christus, aber nachdem der Herr Jesus gekommen war, waren sie nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Par exemple, les Juifs, eux, ils pensaient aussi à travers Moïse, ils croyaient aussi en Dieu. Mais après que quand Jésus-Christ est venu, ils n'étaient pas capables à connaître, à comprendre la vérité, à reconnaître la vérité. You can even see it with the life of that good master that came to Jesus and knelt down. Amen. And God, Jesus said, thou shalt not do this. That he gave him Moses' law. And he said, I've obeyed all. Amen. But you obeyed all and not knowing the truth. You are not free. Und das sehen wir auch in der Geschichte vom reichen Jüngling, der vor Jesus gekniet hat und die Gebote von Mose zitiert hat, dass er sich an alle Dinge gehalten hat und er war dennoch trotzdem nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, die über dieses Gesetz von Mose hinausgeht. C'est comme aussi avec ce jeune homme riche, quand il est venu vers Jésus-Christ, il a dit que ben écoute, j'ai tout obéi, mais c'est que j'ai obéi à toutes les lois de Moïse, mais quand il s'agissait à croire, à obéir, la seule chose, une chose que l'Éternel, que Jésus-Christ lui disait, là, il n'était pas capable à obéir à la vérité. Amen. Again, as Moses, you can never know the truth. That was why, you know, Moses was right when he said, I want to know you, God. He was right. Nochmal, durch Mose wirst du niemals den wahrhaftigen Gott erkennen. Und deswegen hatte auch Mose recht, als er gesagt hat, Herr, ich möchte dich kennen. Et tu vois que Moïse avait raison, parce que Moïse a dit que Dieu, je veux te connaître, parce qu'à travers Moïse, tu n'es pas capable à connaître Dieu. Amen. Même lui, that was Exodus 33, verse 13. We are not going there because of time. Amen. Das können wir in 2. Mose 3 lesen. Exodus 33, verse 13. Ach so, 2. Mose 33, verse 13. Là, tu peux le lire à Exode 33, 30. Amen. Because it is only through Christ you can know the only true God. Denn nur durch Christus wirst du in der Lage sein, den einzig wahren Gott zu erkennen. Parce que c'est seulement à travers le Christ que tu es capable à connaître le vrai bon Dieu. Amen. It is through Christ's correction and repentance. Nur durch die Buße von Christus und durch die Belehrung von Christus. Wir lesen Offenbarung 3. On va lire Revelation 3. Apocalypse 3. Praise the Lord. Amen. Revelation 3, verse 19. Offenbarung 3, vers 19. Verset 19. He says, as many as I love, I rebuke and chastise. Be zealous, therefore, and repent. That's how you renew your soul. Through correction and repentance. So sei nun eifrig und tu Buße. Auf diese Art und Weise erneuern wir unsere Seele. Ici, il dit que on doit pardon, moi je je reprends. Oui, on doit faire pardon. On doit se repentir et ça se passe seulement à travers quand on fait repentance, la repentance. Amen. True correction and repentance. Amen. Because no one was born of God, has been born of God. And when our soul has been polluted, where a lot of evil things have been there. Jesus did not have evil soul. Amen. And so, you know, for your soul to be clean, you need a lot of correction from the Lord. Amen. And then a lot of repentance. Niemand von uns wurde göttlich geboren. Unsere Seele wurde verunreinigt durch die ganzen Dinge dieser Welt. Und es erfordert die Belehrung und die Buße von Christus, damit unsere Seele gereinigt wird. On doit comprendre que il y a des années que nos âmes ont été polluées à travers ce qu'on a cru de ce monde ou ce qu'on a vécu de ce monde. Et c'est pour cela que l'Éternel doit vraiment purifier notre âme à travers la vérité, à travers la vérité. Et ça, on le fait quand on est en train de renouveler nos pensées à travers sa parole. Amen. And he's going to guide us and correct us through his message and through one another. Amen. Und wird uns leiten und belehren durch seine Botschaft, aber auch durch die Geschwister unter uns. Il va nous guider, il va commencer à nous corriger à travers l'un et l'autre. Et son message. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. He said, true correction is how he loves us. Amen. He loves those, he corrects those that he loves. That he is correcting you is not hate, it's love. Und er sagt, dass er die züchtigt, die er liebt. Das heißt, die Belehrung und die Züchtigung zeigt, dass er dich liebt. Also passiert aus Liebe und nicht aus Hass oder. Parce qu'il dit, verset 19, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Donc il fait ça parce qu'il nous aime. Amen. Actually, through his correction, you know, we should know how much he loves us. Und durch seine Belehrung, durch seine Züchtigung, sollte uns klar sein, wie sehr er uns liebt. Et à travers cette correction, on doit comprendre et savoir à combien il nous aime. Amen. If you go to Job 5, à quel point il nous aime. Job 5, verse 17. Wir lesen Hiob 5, Vers 17. Job 5, Vers 17. The first Psalm is Job. Amen. Job 5, Vers 17. Praise the Lord. Hallelujah. You see this? Mm-hmm. He said, behold, happy is the man whom God corrected. Therefore, despise not thou the chastening of the Almighty. Amen. Praise the Lord. Learn to love his correction. Lerne es, seine Züchtigung zu lieben. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas donc la correction du Tout-Puissant. Donc tu dois aimer quand l'Éternel est en train de te corriger. Praise the Lord. Mm-hmm. And you can see it also in Hebrew. Hebrew 12, verse 5 to 17. Mm-hmm. Talks about those he loves, he corrects. Mm-hmm. He corrects us always. Mm-hmm. It means, you know, it's a sign that he loves you. Mm-hmm. That he called you a son. No longer a servant. Amen. Und auch in Hebräer 12 können wir lesen, dass diejenigen, die er liebt, dass er dich züchtigt. Und daran kannst du auch festmachen, dass er dich als Sohn sieht und dich aus Liebe zurechtweist. Hebräer 12 nous dit aussi que tout le monde qui l'aime, là, il est en train de les corriger. Et c'est pour cela que tu dois vraiment être fier quand l'Éternel te corrige, parce que ça doit te faire voir qu'il t'aime vraiment, que tu appartiens à lui. Amen. This correction is not hate, but love. Seine Korrektur, seine Belehrung und seine Züchtigung ist nicht Hass, sondern es Liebe. La correction de l'Éternel, ce n'est pas la haine, c'est l'amour. Amen. It's not to bring you down. Amen. But to snatch you away from Satan. Amen. Sie ist nicht da, um dich runterzumachen, sondern vielmehr, um dich von den Machenschaften vom Teufel und von dem Lügen loszureißen. Et il ne veut pas te détruire quand il te corrige. Il veut juste que tu puisses t'écarter. Il veut vraiment, il veut t'écarter du diable. Amen. Te séparer vraiment. In the natural world, you know, correction is always to bring people down. And people see themselves small before somebody correcting you. Amen. That's not Christ's way. That's not the kingdom of heaven. The kingdom of heaven correction is love. Wenn in der natürlichen Welt jemand zurechtgewiesen wird oder gezüchtigt wird, dann geht es darum, die andere Person zu schmälern und sie fühlt sich dann auch runtergemacht von der Person. Aber im Königreich Gottes ist das nicht so. Im Königreich Gottes geht es darum, wird dadurch die Liebe Gottes erwiesen durch diese Züchtigung. Dans ce monde, quand te corrige, c'est toujours là, la correction est toujours là pour pour te rendre inférieur, pour te faire du mal quelquefois, c'est pour te faire voir que tu ne sais rien. Mais dans le Christ, quand il te corrige, c'est vraiment pour ton bien, pour que tu puisses apprendre c'est que son amour, donc c'est à travers son amour pour que tu puisses t'écarter du mal. That the Lord is correcting you means he accepts you as a son. Dass der Herr dich züchtigt, bedeutet, dass dich als Sohn ansieht. Le fait que l'Éternel te corrige, ça doit te faire voir qu'il est en train de t'accepter comme son fils. Amen. 5 to 12. You can see it. Amen. 5 à 12. Ihr könnt das in Hebräer 12, 5 Hebrew 5 à 12. Amen. Wo in Proverbe ist das? Und auch in Sprüche lesen wir das. Hebräer 5 à 12 nous le fait voir ça. Et même en Proverbe, il le répète aussi. Amen. He only corrects those he loves and not hate. If he hates you, he will not correct you. Er belehrt nur die, die er liebt und nicht die er hasst. Wenn er dich hassen würde, würde er dich auch nicht belehren. Il corrige que ceux qu'il aime. Et s'il te détestait, il n'allait même pas te corriger. He corrects us through our husband, through our wife. Und er belehrt uns. Through our children, through our brothers and sisters. We are to love it, please. Und wir sollten die Belehrung vom Herrn lieben. Und sie kann durch unsere Geschwister, durch unseren Ehemann, durch unseren Vater, durch unsere Frau hervorkommen. Il a dit que il nous corrige à travers nos maris, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, et on doit apprendre à aimer cette correction. Amen. Amen. Once our brothers and sisters, our husband, our wife are correcting us, we are not to see it as man correcting us. We should see that this is Christ. Thank you, Father. That is how the Holy Ghost can help you to not say thank you, Jesus, for being there for me. Sobald unsere Geschwister oder unser Ehepartner uns belehrt, sollten wir nicht die Person sehen, sondern wir sollten direkt sehen, dass es der Herr ist, der uns in diesem Moment belehrt. Und da werden wir auch in der Lage sein, uns zu bedanken für diese Belehrung und diese Belehrung nicht als Anstoß zu nehmen. Quand ta femme, ton mari ou bien même ton enfant te corrige, là tu ne dois pas voir la chair, tu dois voir ça comme l'Éternel est en train de te corriger à travers la personne. Et au lieu de commencer à discuter ou bien à résister cette correction, tu dois être reconnaissant, tu dois remercier l'Éternel et dire merci Éternel parce que tu es en train de me corriger à travers ton fils ou ta fille. Amen. With a loving correction from the Lord and learn to repent, repentance, your soul can never be renewed. Ohne die Buße und ohne die Belehrung von Christus, die du lieben solltest, wird deine Seele niemals erneuert und gereinigt werden können. Et si tu n'es pas capable à te repentir, tu ne peux pas, tu n'es pas aussi capable à renouveler tes pensées, ton âme. Amen. Your soul needs correction from the Lord. Deine Seele braucht die Belehrung vom Herrn. Ton âme a besoin de la correction de l'Éternel pour être purifiée. Your obedience, that you obey. You accept the correction and repent. Und deine Seele braucht ebenfalls deine Gehorsamkeit, dass du die Buße, dass du die Belehrung akzeptierst und dass du ihr nachfolgst. Et ton âme a besoin aussi que, et c'est pour cela que tu dois vraiment tu dois aussi accepter et te soumettre à la correction pour que ton âme aussi puisse continuer à grandir. Amen. Amen. Again, it is only through Christ we know the only true God. John 14. Go to John 14, please. Wir lesen Johannes 14 und nochmal, es ist nur durch Jesus Christus können wir den einzig wahrhaftigen Gott erkennen. On est seulement c'est seulement à travers le Saint-Esprit qu'on est capable à comprendre la vérité. Praise the Lord. Vers 6 and 7. Jean 14, 6 à 7. Johannes 14, Vers 6 und 7. Look at it here. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. If you had known me, you should have known my Father. Because it's only through me you can know the only true God. Mm-hmm. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Denn nur durch mich, nur durch Christus, können wir den wahren Gott erkennen. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc c'est seulement à travers moi que vous êtes capable de connaître mon Père. Amen. Then said and asked also, and from henceforth you know him and have seen him. You know, he told Moses, he said, if you see me, you will die. Mm. But Jesus is saying, we have seen him. Mm. And can you see how great you are? That you are greater than Moses. Mm. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und wir wissen, dass der Herr zu Mose damals gesagt hat, wenn du mich siehst, dann wirst du sterben. Aber hier sagt Jesus, dass wir ihn gesehen haben und das zeigt uns, wie viel größer wir als Mose sind. Et il a dit ici que seulement à travers moi que vous êtes capable à connaître le Père et Jésus-Christ. Oui. Amen. And so we should never say we don't know God, like Moses. Und deswegen sollten wir we know him. Und deswegen sollten because wir, we know Christ. Und deswegen sollten wir niemals wie Mose behaupten, dass wir Gott nicht kennen, denn wir kennen ihn, weil wir Christus kennen. Et aujourd'hui nous sommes plus grands que Moïse et on ne doit pas penser que on doit jamais dire comme Moïse quand il a dit que oui, je veux te connaître parce que nous on connaît le Christ déjà parce qu'il vit en nous. Through religion, you can never know the only true God. Durch die Religion wirst du niemals. Moses said, "I want to show me. I want to know you." Amen. Because you know, through religion, you can never know the only true God. Durch die Religion wirst du niemals in der Lage sein, den wahrhaftigen Gott zu kennen. Du wirst wie Mose sein und fragen, Gott, ich möchte dich kennen. À travers la religion, tu n'es pas capable à connaître l'éternel, le vrai bon Dieu, parce que sinon tu vas commencer à te demander aussi, tu vas demander aussi à l'éternel de se révéler à toi, mais à travers la vérité, tu es capable de le faire. Wir lesen Johannes 18. On va lire Jean 18. Praise the Lord. Proverbs 51 to 55. Vers 51. John 8. Ach so, Johannes 8. John 8, 51 to 55. Wir lesen Johannes 8 ab Vers 51. Jean 8, verset 51. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall not see death. Praise the Lord. You know, the natural man cannot understand Christ. Because everybody dies all the time. People die. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeiten. Das zeigt uns auch, dass der natürliche Mensch nicht in der Lage ist, Christus zu verstehen. Denn der natürliche Mensch weiß, dass der Tod ein natürlicher Lauf des Lebens ist. Jean 8, 51, il dit, en vérité, je vous dis que si quelqu'un en garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et ça te fait voir que ça, il parle pas d'un être naturel, ne peut pas le comprendre parce que quand tu penses naturellement, tu vas savoir que la mort, c'est quelque chose de naturel, c'est normal pour la vie. Mais quand tu es en surnaturel, seulement à travers l'esprit que tu es capable de comprendre que ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose de surnaturel. Praise the Lord. Allez, c'est pour ce livre, verse 52. Da sprachen die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Praise the Lord. You can see the natural man. Amen. Das ist die Antwort des natürlichen Menschen. Can never lead you to the truth. These people were full of religion, that they never know the truth. Und es zeigt uns, dass die Religion niemals einen zur Wahrheit führen kann. Wenn diese Menschen waren voll von Religion, aber sie haben die Wahrheit nicht verstanden. Verset 52, also Jean 8, verset 52, maintenant lui dire les Juifs, nous connaissons que tu es un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et ça peut te faire voir que ces Juifs ici, les gens ici, ils étaient vraiment trop plein de la religion. Et la religion va jamais t'emmener à la vérité. Tu vois, à travers la religion, tu vas jamais comprendre la vérité. C'est seulement à travers la vérité que tu comprends Jésus. Unto him. Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets. And thou said, if a man keep my saying, he shall never taste of death. Are thou greater than our father Abraham? Which is dead, and the prophets are dead. Who makest thou yourself? Praise the Lord. Verse 54. And Jesus answered, if I honor myself, my honor is nothing. It is my Father that honoreth me. Mm-hmm. Of whom you say that he is your Father, he is your God. Amen. Verse 55. Yes, you have not know him, but I know him. You see something there? Mm-hmm. You don't know him, but you know him. Through religion, you can never know him. It's only through Christ you know the only true God. Amen. Amen. And he said, and if I should say I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him and keep his saying. Is somebody getting something? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I love Jesus' word. Amen. Amen. He's so, you know. Amen. Amen. Praise the Lord. He's just, it's so high. Und ich liebe die Worte von Jesus hier, weil es zeigt, dass sein Wort und seine Standards sehr hoch sind. Et moi j'aime bien la parole des paroles de Jésus-Christ, parce que si tu continues à lire de 54 jusqu'à 55, tu peux voir que son standard est vraiment très haut. You know, it's already... Okay, verse 56. Look at it. He said, your father, Abraham, rejoiced to see my day. And he saw it and was glad. Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Praise the Lord. Amen. Il dit que... Ok, Abraham, votre père... a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Il a vu et il est réjoui. Et à verset 57, il dit qu'en vérité, 58, pardon, en vérité, je vous le dis, avant Abraham, je fus, avant que Abraham fût, je suis. Amen. You know, that is why it is very, very important to know the truth. Because through the truth, that's how you know the only true God. Und aus dem Grund ist es sehr, sehr wichtig, die Wahrheit zu kennen. Denn durch die Wahrheit wirst du den wahrhaftigen Gott erkennen. Et c'est pour cela que c'est vraiment important de connaître la vérité. Parce qu'à travers la vérité, c'est là que tu es capable de connaître le vrai bon Dieu. Amen. Like the fruit of the Spirit. Galatians 5:22 and 23. God kind of love. All these, they are the truth. Amen. God kind of joy. God kind of... You got kind of faith, got kind of patience, got kind of peace. You can see they are different from what this world called peace, what this world called joy. You know, they are opposite what this world called joy, what this world called love. They are all opposite. Und das erkennen wir auch anhand der Frucht des Geistes, und das erkennen wir auch an der Frucht des Geistes, die in Galater 5 beschrieben wird. Das ist Gottes Art von Liebe, Gottes Art von Freude, Gottes Art von Frieden. Es ist gegenteilig zu dem, was die Welt als Friede, als Liebe, als Freude bezeichnet. Und das kannst du nur durch die Wahrheit erkennen. Et on va nécessairement capable à connaître tous ce qui vient du Christ seulement à travers la vérité, à travers le Saint-Esprit, parce que on voit ça aussi à Galates 5, quand il nous dit la manière, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la patience de Dieu, tout ça, c'est toujours le contraire de ce que le monde appelle. Donc l'amour de Dieu, c'est le contraire de ce que ce monde ici appelle amour. Et tout ça, on peut seulement le connaître à travers la vérité. Through Moses, you can never know God. Durch Mose wirst du niemals Gott erkennen. À travers Moïse, on n'est pas capable de connaître Dieu. Also through Abraham. They claim Abraham as their father. Amen. Und auch yes, they did not know the only true God. und auch nicht durch Abraham, denn wir sehen hier, dass diese Menschen Abraham als ihren Vater beanspruchen wollten, aber sie waren nicht in der Lage, den wahrhaftigen Gott zu erkennen. On peut voir que les Juifs ici sont en train de dire que oui, Moïse et même Abraham sont nos pères, et malgré ils disaient ça, ils n'étaient pas capables à comprendre, à connaître la vérité. Donc ça signifie que c'est pas dire que ton père c'est Abraham ou bien Moïse, c'est pas ça qui te donne le salut, mais c'est seulement connaître la vérité. To believe our message here, you must be after Christ. If not, you can never believe. Um unserer Botschaft hier in der Gemeinde glauben zu können, musst du wirklich hungrig nach Christus sein. Denn wenn nicht, wirst du niemals in der Lage sein zu bleiben. Pourquoi la vérité, tu sais qu'on est en train de prêcher ici, tu dois vraiment être derrière Jésus-Christ, avoir faim de la vérité de Jésus-Christ. C'est seulement là que tu es capable de comprendre ces messages. Amen. You know, the Jews, they could not believe Christ because they were not after him. They were after themselves. They were after Moses. Die Juden waren nicht in der Lage, die Wahrheit zu erkennen, denn sie waren nicht hinter Christus her. Sie waren hinter sich selbst her, hinter der Religion her. Les Juifs, hinter Mose. Amen. Les Juifs étaient pas capables à comprendre, à reconnaître la vérité, à comprendre ce que Jésus-Christ disait, parce que eux, ils n'étaient pas derrière la vérité. Ils étaient derrière la religion, ils étaient derrière, oh, mais qu'est-ce que Moïse a dit, qu'est-ce que Abraham a dit. Donc leur concentration, c'était vraiment... ils étaient concentrés à Moïse et à Abraham, et c'est pour cela ils n'étaient pas capables à reconnaître la vérité de Jésus-Christ. You know, if you are not after, if you are not hungry or pray, you cannot be here. Wenn du nicht hungrig bist nach Christus, kannst du niemals hier in dieser Gemeinde sein. Si tu n'as pas faim de la vérité, tu peux pas être dans cette église. Amen. Until you are after Christ, you cannot believe the message I preach. Solange du nicht wirklich hinter Christus her bist, wirst du niemals in der Lage sein, die Botschaft zu glauben, die hier gepredigt wird. Si tu n'es pas derrière le Christ, tu n'es pas capable à comprendre la vérité du Jésus-Christ qu'on est en train de prêcher ici. The Jews, they could not believe Jesus. Die Juden konnten Jesus nicht glauben. Les Juifs ne pouvaient pas croire à Jésus-Christ. So also, if you are here, if you are not after Christ, you can never believe the message that has been preached. Und auch wenn du hier in dieser Gemeinde sitzt und nicht hinter Christus her bist, wirst du niemals in der Lage sein, diese Botschaft zu glauben, die hier gepredigt wird. Tout comme si, même si tu es dans cette église, mais tu n'es pas derrière le Christ, tu vas jamais croire au message qu'on est en train de prêcher ici. Don't allow anything to be the motive of your being here, except Christ. Lass nicht zu, dass irgendwas anderes das Motiv ist, weswegen du hier bist, außer Christus selbst. Et ne laisse pas, n'autorise pas que quelque chose autre pourquoi puisse être la raison laquelle que tu es ici, sauf Jésus-Christ lui-même. That's how to walk with Christ. Und so wandelt man auch mit Christus. Et c'est comme ça que tu marches à travers la réalité. That's how you can be here. Und so wirst du auch in der Lage sein, hier in dieser Gemeinde zu sein. Et c'est comme ça que tu es capable d'être ici dans cette église. That's how you can belong to the family of Christ. Und so wirst du auch. It is Christ alone. Und so wirst du auch zu der Familie von Christus gehören können, denn es geht nur um Christus allein. Et c'est comme ça aussi que tu appartiens à la famille en Christ quand il s'agit que du Christ lui-même. Praise the Lord. Colossians 1 said, everything was created by him and for him alone. Wir lesen Kolosser 1 und sehen, dass alles für ihn und durch ihn allein erschaffen wurde. Si on lit Colossiens 1, là il nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Colossiens 1, verse. Let's read from verse 12. Please. À partir Colossiens de verset 12. From verse 12 to 17. 12 à 17. He said, give it thanks unto the Father who has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Okay, but can you help us to read verse 13? Verset 13. Who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of his dear son. Praise the Lord. Amen. Amen. It means if you have not been delivered, you are still in that power of darkness. You are still under. You can see that people are under the powers of darkness. Vers 13 zeigt uns, dass wenn du nicht befreit wurdest, dass du immer noch unter der Herrschaft der Finsternis lebst. Verset 13 nous fait voir que si tu n'es pas encore délivré, là, tu appartiens encore à les ténèbres, à la puissance des ténèbres. Praise the Lord. L'Éternel qui nous a délivrés. Amen. Amen. We are not going to be delivered. We have been delivered. Amen. That's what he said. Amen. Wir werden nicht noch errettet, sondern wir wurden bereits errettet. Et nous, on ne sera pas délivrés. Nous sommes déjà délivrés. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Mm. For by him we are all things created, and that are in heaven and that are in earth, visible and invisible. Amen. Mm. Visible heaven and invisible heaven. Amen. Whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Praise the Lord. I love it. Amen. That all everything, they are created by him and for him alone. It's not about you. Remove yourself. Remove that self. That's why he said that self must die. And it must be him alone. Und in Vers 16 lesen wir, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und das zeigt uns auch, dass es nicht um dich geht und dass du dein Selbst weglöschen, rausnehmen solltest, denn es geht nicht um dich, sondern um ihn allein. Verset 16 nous dit ici que car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, et les visibles et les invisibles. Et on peut voir, et c'est pour cela, et puis il nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Ça signifie qu'il ne s'agit jamais de toi, il s'agit que du Christ. Toutes choses que tu es en train de surmonter ou bien de surpasser, maintenant tu dois toi-même, tu dois te soustraire de ça et de laisser seulement que l'Éternel puisse régner parce qu'il s'agit seulement de lui et jamais de toi. Amen. Let us grow up, come to that level where we see that everything is by him and for him alone. Just like Stephen, he was being stoned to death. Instead of cursing them, he prayed for them and said, forgive them for they don't know what they do. Because he knows that it's not about him, it's about Christ. Lasst uns aus diesem Selbst herauswachsen und auf diesem Niveau oder auf dieser Ebene gelangen, dass es wirklich nur noch für ihn und durch ihn alles, dass es einfach nur durch ihn und für ihn, dass es um ihn geht. Genauso wie Stephanus in der Lage war, nur Christus zu sehen und während dieser Steinigung sogar für die anderen, die ihn gesteinigt haben, in der Lage war zu beten. Und auf dieser Ebene müssen wir ankommen. Et tu dois vraiment laisser autoriser que tu puisses vraiment. Tu dois vouloir comprendre qu'il ne s'agit que de Jésus-Christ. Tu dois vraiment enlever ton soi, cet esprit de se voir toi-même, ce que toi tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Tu dois vraiment enlever ça de ta vie. Tu dois seulement voir le Christ parce que tu seras... Il veut qu'on puisse être dans le niveau comme... Être comme Étienne. Quand on l'a lapidé, par exemple, lui, il a été capable de ne pas voir comment on est en train de le faire du mal parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on va dire que... Ah, que Dieu vous punit. Non, lui, il était capable à prier contre, pour ces gens-là. Et tu vois vraiment qu'il était vraiment... Il a enlevé cet esprit de soi. Il a seulement vu l'Éternel. Il a dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pour cela qu'il s'agit que de Dieu. Même à mort, c'est pour l'Éternel. And he is before all things. Verset 17. And by him all things consist. Praise the Lord. Amen. You know, can you see the freedom? That is no longer about us, but him. Mm-hmm. Amen. And that's why when anything is happening, you don't even, you know, you are not afraid. You are not ashamed like the world. You know, I talked about myself today. How? Where the Lord took me from. Mm-hmm. Amen. You can see that there is no more shame. Mm-hmm. Amen. If under law, you'll be ashamed to say your past. You'll be ashamed to tell, to just say how your natural family is. But under Christ, because it's no longer about me. You can see the deliverance. You can see the freedom. That you can come out and everything is now testimony. That, you know, thank you, Lord. Thank you, Daddy. For you, that you deliver me from the powers Amen. Of Satan. Amen. From the bondage. From the, just like he said, in verse 13, who had delivered us from the power of darkness. I was once there, but I'm out of there. It's a testimony. Und diese Verse zeigen uns auch, wie sehr es einfach Befreiung für uns bedeutet, dass es nicht um uns geht, sondern um ihn allein und dass wir nur ihn in allen erachten sollen, weil es Freiheit auch für uns bedeutet in Bezug darauf, dass wir uns nicht schämen müssen um den alten Menschen, den wir tot und begraben haben, dass ich beispielsweise in der Lage bin, über meine Vergangenheit, über den alten Menschen zu sprechen, der jetzt nicht mehr da ist und der jetzt, von dem ich befreit worden bin. Und du wirst in der Lage sein, auch von deiner Vergangenheit zu sprechen. Die Religion würde sich schämen und würde den alten Menschen überhaupt gar nicht mehr als Zeugnis erzählen. Aber weil du diese Freiheit von Christus verstanden hast, woraus er dich errettet hat, wirst du in der Lage sein, davon erzählen zu können und ihm sogar zu danken, dass er dich aus der Herrschaft der Finsternis auch befreit hat. La Bible nous dit ici, verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsistant en lui. Ça signifie que ça te fait voir comment il lui est en train de nous délivrer à travers sa parole. Que quand il s'agit que de lui, tu n'as même pas honte. Tu es capable à dire, comme moi je vous disais avant là, vous êtes capable à dire que, ben, à parler de votre passé, à parler de votre famille et dire que oui, on vient d'une place qui est vraiment mauvaise parce que l'Éternel a enlevé cette honte. Tout est maintenant là pour t'aider à glorifier l'Éternel. Praise the Lord. Amen. Amen. Can you see the freedom? Amen. Whatever people say is about Jesus. Amen. If they are gossiping about you, you just keep on speaking about Jesus. Praise the Lord. But if you see yourself, you will fight it. But if you see Christ, you will rejoice that Jesus is being mentioned. Good. Und es bedeutet auch Freiheit für dich in Bezug darauf, was andere Leute denken. Du wirst die Sachen, die gesagt werden, nicht mehr auf dich selbst projizieren, sondern du wirst sagen, wenn sie über mich reden, dann reden sie über Christus. Wenn sie lästern, dann lästern sie über Christus. Und es bedeutet Freiheit für dich, denn du wirst keinen Anstoß nehmen und es auf deine eigene Person projizieren. Et ça signifie aussi que quand tu fais ça, ça va te faire voir aussi que quand les gens te parlent, ils parlent mal de toi, tu peux aussi dire qu'ils parlent mal de Jésus-Christ. Ou bien quand il y a un problème, ils ne te croient pas, ils sont en train de douter de ta parole, ils sont en train de douter la parole de Jésus-Christ. Et là, tu n'es pas offensé parce que tu te dis, ben moi, je suis le Christ et je sais qui je suis. Tu vois? Praise the Lord. Amen. Just like Paul said, you know, he was going from prison to prison. Amen. He said, people are making fun of it. People are saying, choosing Christ is so difficult. Look at him. He's going from prison to prison. And people are saying they don't want to be there. Some people are making fun of it. He said, no, it doesn't matter what area. But what I am rejoicing about is that Jesus is being mentioned. Amen. Amen. Because they can see that it's all about Christ. Yeah. Und das sehen wir auch im Leben von Paulus, der von Gefängnis zu Gefängnis gegangen ist. Und etliche Leute über ihn gesprochen haben, sei es positiv oder negativ. Manche fanden es gut, dass sie sich so für Christus eingesetzt haben. Andere haben ihn wiederum belächelt und darüber geredet, negativ darüber geredet. Und Paulus hat das überhaupt gar nicht erachtet, sondern er war froh darüber, dass sowohl in dem Positiven als auch in dem Negativen Christus erwähnt wird und Christus angesprochen wird. Tout ce qu'on vient de dire, ça, là, on peut voir ça aussi dans la vie de Paul. On voit que Paul, lui, il partait de prison à prison et les gens le voyaient et disent, mais celui-ci, il parle de Jésus-Christ, il parle de la parole, de la bonne nouvelle, mais on est en train de lui suivre, il part de prison à prison. Et Paul, lui, ça l'intéressait pas tout ça. Pour lui, il disait que l'important, c'est que quand ils sont en train de parler de lui, le nom de Jésus-Christ est en train d'être glorifié. Peu importe si les gens là disaient que ben, j'ai pas envie de changer ma vie avec lui. Mais c'était aussi une évidence contre ces personnes-là. Donc la parole était en train d'être glorifiée, même si c'est selon toi, c'est dans le mauvais sens. Amen. Il y a places of work. Amen. They know you as Christ Jesus. Amen. And don't be surprised once they are gossiping about you. Amen. Praise the Lord. If you can see Christ, you will even pray for them. Amen. Auch in deinem Arbeitsplatz kennt man dich als Christus. Und deswegen sei nicht überrascht, wenn sie hinter deinem Rücken über dich herfallen oder wenn sie dich beleidigen oder irgendwie irgendwelche Namen nennen. Erfreue dich einfach darum, dass Christus erwähnt wird und Christus aus ihrem Mund kommt. Même dans ton travail, quelquefois, ils peuvent te donner des noms, disent que, mais cette dame-là, elle part toujours au Christ. Oui, elle avec son Christ, il ne te prend pas au sérieux. Mais toi, remercie l'Éternel parce que là, les noms de l'Éternel et de Jésus-Christ est en train d'être glorifié. It is an evidence against them. Denn es ist ein Beweis gegen sie. Parce que c'est une évidence contre ces gens-là. Vers 18. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Amen. Amen. He is the head of the body, the church. Er ist das Haupt der Gemeinde. Il est la tête du corps de l'église. Bible study is not the church. Ist die Church? It's not the church. Also, die Bible study ist nicht die Gemeinde. L'école biblique, c'est pas l'église. Amen. Mm. Praise the Lord. Alleluia. The church is different from Bible studies. Die Gemeinde und der Gemeindedienst ist anders als die Bible studies. L'église, les services de l'église, c'est différent que l'école biblique. Amen. You might get there today. Amen. Praise the Lord. Alleluia. There's a difference between Bible studies and the church. Es gibt einen Unterschied zwischen den Bible studies und der Gemeinde. Il y a une différence entre l'école biblique et l'église. Amen. Amen. It's, you know, your house is Christ. And here is Christ. There's a difference between here and your house. Dein Wohnsitz und dein Wohnplatz, dein Haus ist Christus, aber auch hier, die Gemeinde, das Haus ist Christus. Aber es gibt einen Unterschied zwischen deinem privaten Haus und dem Gebäude, das Haus hier, wo die Gemeinde ist. Tu dois comprendre que c'est comme, par exemple, l'église, c'est la maison de l'éternel. Chez toi aussi, à la maison, c'est la maison de l'éternel, parce que tu appartiens au Christ. Mais il y a une différence entre ici et ta maison. Without here, your private house cannot be Christ. Amen. So also without the church, the Bible studies cannot be Christ. Amen. Because here is Christ, the Bible study is also Christ. Amen. But the Bible study needs here to be Christ. Amen. Denn ohne das Gemeindehaus kann dein Haus überhaupt gar nicht Christus sein. Genauso wie ohne die Gemeindedienste die Bible study auch nicht Christus sein kann. Das heißt, die Bible study braucht die Gemeindedienste und ist von den Gemeindediensten abhängig, genauso wie dein eigenes privates Haus von diesem Gemeindehaus hier abhängig ist. Tout comme dans ta maison, sans cette église, sans être en Christ ici, ta maison ne peut pas être aussi la maison du Christ. Et tout comme notre école biblique, sans l'école biblique, sans ici l'église, sans le service de l'église, l'école biblique ne peut pas rester en vie, ne peut pas être le Christ. Amen. Amen. The church, the Lord anoint somebody to be the head. In der Gemeinde wird eine Person vom Herrn geweiht, um die Gemeinde zu leiten. Dans l'église, il y a toujours une personne qui est la tête de l'église, que le Saint-Esprit a un pour être en charge de l'église. Praise the Lord. Amen. Amen. We will go there, maybe, I don't know, maybe today or because I have it a lot here. Amen. Amen. Praise the Lord. Let me go quickly go forward because of the time. Amen. If you are after yourself, you cannot believe our message here. Wenn du hinter deinem Selbst her bist, dann kannst du die Botschaft, die hier gepredigt wird, nicht glauben. Si tu es derrière, ou bien tu es en train de... Oui, tu es derrière... Si tu... Derrière, hattest du gesagt? Si tu es derrière, ou bien tu es après toi-même, le soi, tu ne peux pas comprendre le message ici. The message we preach here is Christ's message. Denn die Botschaft, die hier gepredigt wird, ist die Botschaft von Christus. Parce que le message qu'on est en train de prêcher ici, c'est le message du Christ. It is Christ himself. Es ist Christus selbst. C'est le Christ lui-même. Amen. Amen. The best you can do is you will pick and choose which of them you will try to believe. The best you can do. Das Beste, was du tun kannst. If you are not here because of Christ. Wenn du hier in dieser Gemeinde bist und dir es eigentlich nicht um Christus geht, ist das Beste, was du tun kannst, einfach herauszusuchen, was aus dieser Botschaft für dich herausnehmen möchtest und behalten möchtest. Si tu es dans cette église et ta raison d'être ici, c'est pas de connaître Jésus-Christ, la meilleure chose que tu vas faire, c'est peut-être trier ce que tu penses que tu veux croire, tu vas croire, ce que tu penses de ne pas croire, tu vas pas croire. If you are after yourself here, the best you can do, the highest you can go to, is pick and choose what to believe. Wenn es dir Wenn du in dieser Gemeinde sitzt und es dir wirklich nur um dein Selbst und dein eigenes Fleisch geht, dann ist das höchste Niveau und das einzig Beste, was du tun könntest, wäre aus der Predigt dir rauszusuchen, welchen Teil du Glauben schenken möchtest und dem Teil, dem du nicht Glauben schenken möchtest, den außer Acht zu lassen. Si tu es derrière le soi, toi-même, là, là c'est la meilleure chose que tu peux faire, la chose la plus grande que tu peux faire ici, c'est de trier les messages. Quoi croire ou pas ne pas croire. You know, you are to know the meaning of picking and choosing what you are to take in the message. Amen. Und du solltest die Bedeutung dessen wissen, was es bedeutet, Dinge aus der Botschaft herauszusuchen. Et tu dois connaître la différence quand on dit que tu es en train de trier ce qui va quel message ça te plaît ou ce qui ne te plaît pas. You are still after yourself. Wenn du immer noch die Sachen aus der Botschaft raussuchst, die du glauben möchtest oder nicht, dann zeigt es, dass du immer noch hinter deinem Selbst her bist. Et si tu es toujours en train de trier ce que tu veux croire dans le message de Dieu, et si ce que tu veux pas croire, là tu es derrière le soi. Praise the Lord. Wir lesen Johannes 8. On va lire Jean 8. Vers 47. Vers 47. Verset 47. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's a hear that is of God, heareth God's word. If you are of Christ, you will hear his word. Not charm of his voice. Not pick and choose. You will hear his voice completely and believe it. John 8, verse 47. Johannes 8, Vers 47. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Wenn du wirklich von Christus bist, dann hörst du die Worte Gottes und du hörst sein ganzes Wort. Du wirst nicht nur Teile seines Wortes hören, sondern du wirst alles von ihm hören. Jean 8, 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de lui. Donc ça signifie que seulement quand tu es de Dieu, tu es capable d'écouter toutes les paroles, pas seulement quelques, toutes les paroles. He said, hear that is of God, heareth God's words. Words. You can see it. Plural. Amen. Not singular. It's all. Er hört die Worte Gottes, nicht das Wort, nicht Einzahl, sondern Mehrzahl. Die Worte Gottes, das heißt, es gibt mehrere. Ici, il a vraiment dit au pluriel. Il a dit que celui qui est de Dieu écoute les paroles. Il n'a pas dit une parole, la parole, il a dit toutes les paroles. You never pick and choose. Pick and choose means it is still about you. Das heißt, und deswegen suchst du dir auch nicht aus, was du glauben möchtest und was du nicht glauben möchtest. Denn wenn du immer noch im Auswahlverfahren bist und schaust, was du glauben möchtest oder nicht, dann zeigst du, dass es immer noch um dich geht. Et c'est pour cela, il ne s'agit pas de choisir ce que tu vas croire, ce que tu ne vas pas croire, parce que là, ça va faire, tu montres qu'il s'agit toujours de toi, que tu es derrière ce qui te convient ou ce qui ne te convient pas, tu laisses. Tu n'es pas derrière le Christ. Amen. Remember, you know, this Saint John. Jesus told them, you eat my flesh and drink my blood. They ran. Because it was all about them. And not Christ. You know, they have been picking and choosing. For them, it's okay, you have been saying so many things. We accept it. But this time, it's not. Erinnert euch daran, dass auch in dem Johannesevangelium der Herr gesagt hat, ihr werdet mein Blut trinken und mein Fleisch essen, dass viele abgeschreckt waren deswegen und ihn verlassen haben. Das heißt, man sieht, dass einige das Wort von Jesus aufgenommen haben, das was für sie als erschwinglich und als machbar erschien, aber das andere Wort, was ihnen zu schwierig erschien, dass sie das abgelehnt haben. Et tu vas voir aussi quand Jésus-Christ a dit à la multitude, vous allez manger mon sang, ma chair et vous allez boire mon sang. Les gens là étaient vraiment, ils n'étaient pas capables de le comprendre et ils sont partis. Et tu vas voir qu'ils étaient en train de suivre Jésus-Christ, mais dès que Jésus-Christ les a dit quelque chose qu'ils n'ont pas compris, ils ont directement laissé. Donc eux, ils choisissent qu'est-ce qui les convient et ce qui ne les convient pas, ils le laissent. Praise the Lord. Verse 47. Again. Mm-hmm. He that is of God, heareth God's words. Mm-hmm. You therefore hear them not, because you are not of God. Mm-hmm. You are not after him. Mm-hmm. You are not hungry. You are not hungry of yourself. Mm-hmm. It's all about you. Mm-hmm. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Das zeigt, es geht dir überhaupt gar nicht um Christus. Du bist immer noch voll von deinem Selbst und es geht immer noch um dich. Et il dit ici que, il a dit ici que sinon, si tu es comme une personne qui est en train de trier les paroles, là, Il a dit parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc tu es seulement de Dieu quand il s'agit dans ta vie. Tu as seulement faim de Christ et de rien d'autre. Amen. He said, he that is of Christ and not of himself, heareth Christ's words. I hope you get it. Mm-hmm. Derjenige, der nicht voll ist von, derjenige, der voll ist von Christus und nicht voll von seinem Selbst, der ist in, derjenige, der in der Lage ist, Gottes Wort zu hören. Et c'est seulement la personne qui est en train, qui a faim du Christ et pas faim de quelque chose de lui-même, de ce que lui veut avoir. C'est seulement cette personne là qui est capable de suivre Jésus Christ. You can see the motive of your picking and choosing. Das, daran erkennt man auch das Motiv, weswegen du überhaupt ständig auswählst. Et ça, tu vas connaître, reconnaître le motif de pourquoi tu es en train de choisir quelque chose qui te, que tu aimes, tu crois, et quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne crois pas. Because you don't belong to him completely. Weil du doch nicht vollkommen zu ihm gehörst. Parce que tu n'appartiens pas complètement à Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. If you do not belong to him, again, the best you can do is pick and choose what to believe. Wenn du noch nicht vollkommen zu Christus gehörst, dann ist das Beste und das Höchste, was du überhaupt tun kannst, auszuwählen, was von der Botschaft du annehmen willst und was nicht. Et ça signifie encore une fois, je me rappelle, si vous n'êtes pas du Christ, vous n'avez pas faim du Christ et vous n'êtes pas de lui, la seule chose que vous allez faire quand vous êtes ici dans cette église, dans une église vivante, vous allez seulement trier quoi croire et ce que vous ne voyez, ce qui vous convient pas, vous n'allez pas le croire. The Bible said, obey all and not some. Die Bibel sagt, gehorche allem und nicht nur einigen. Mais la Bible nous dit qu'on doit tout croire, obéir et pas seulement quelque chose. Wir lesen das in Johannes 1, Josua 1. Joshua 1. On va lire Josué 1 pour le voir, qu'on doit obéir à toutes les choses et pas seulement à quelques. Josué 1, verset 8. Amen. Josué 8. 1, verset 8. He said, this book of the law shall not depart out of your mouth. Don't let the truth be out of your mouth, that you don't speak it. Lass die Wahrheit nicht von deinem Mund weichen. Dass sie abwesend ist von deinem Mund, von deinem Mund. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc ça, oui, tu dois toujours méditer dessus. Then it was Moses' law that was guiding them, but now it's Christ's law. Und hier lesen wir, dass es damals um das Buch des Gesetzes geht, aber heute geht es uns um die Wahrheit. Amen. This book of the law shall not depart out of your mouth. But thou shalt meditate in day and night, that thou mayest observe to do according to all, not some. According to all, and not some. That is written therein. Amen. For then thou shalt make your way prosperous, and then thou shalt have good success. Und wir sehen hier, dass sie steht, forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen. Nicht einigem, sondern allem musst du befolgen. Donc, dit, médite le jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Donc, tu dois obéir à tout ce que l'Éternel te dit. Tu dois vraiment méditer à sa parole chaque jour et nuit. Wir lesen Matthäus 28. Matthieu 28. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. From verse 18. Matthäus 28, Vers 18. Matthieu 28, verset 18. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Verse 20. Teaching them to observe all things. All, not some. Are you getting it? And not picking and choosing what suits you, what makes sense to you, what can help you, what is comfortable for you. Teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Und auch hier in Vers 20 sehen wir, dass Jesus selber sagt, lehrt sie alles halten. Alles, nicht einiges. Du nimmst deswegen alles an, was der Herr sagt und suchst dir nicht aus, was dir am besten passt oder was dir gerade irgendwie bequem liegt oder was dich persönlich motiviert oder anspornt, sondern nimmst alles an. Et verset 20 dit que et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il a dit que on doit les enseigner à oui, à observer toute chose, pas seulement quelque chose. Donc, quand l'Éternel parle de sa manière, il nous dit de tout obéir. À tout, please. Il n'a jamais prié. Donc, Apocalypse 2. Acte des Apôtres 2. Verse 42. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Acte des Apôtres 2, Verset 42. They talk about continuation. You continue to obey, not just once. Und hier geht es um die Beständigkeit. Du machst weiter darin, dem Wort zu gehorchen und gehorchst nicht nur einmal. Et ici, il dit que il s'agit toujours de l'enseigner, d'être, on doit toujours être continuellement à croire et à méditer sur cette parole, donc pas seulement une fois. Praise the Lord. Alléluia. And they continued. Not just once, continuation. Und sie blieben beständig, nicht einmalig. Es ist keine einmalige Sache, sondern du musst darin verweilen, beständig bleiben. Amen. Steadfastly. Very serious. Amen. Very, you know, concentration. They never joke with any of the message. Are you getting it? They never joke with the service. They never joke with the Bible studies. Praise the Lord. Amen. They continue steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Amen. Praise the Lord. Donc, their unity was, you know, the continuation was so strong, steadfast. And it was not just today we are one, tomorrow not. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Wir sehen, dass das beständig war bei ihnen. Das war nicht eine Sache, wo sie einmal zusammengekommen hatten, einmal hatten sie Gemeinschaft und dann gab es Tage, wo jeder sein eigenes Ding gemacht hat und niemand mehr in der Gemeinschaft drin war. Nein, sie blieben beständig, sie haben es weiter fortgeführt und man sieht die Einheit, die dort geherrscht hat. Tous appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Donc, tous appliquaient fidèlement. Et ils étaient toujours en communion, donc leur union était si forte vraiment quand ils étaient ensemble. C'était pas qu'aujourd'hui ils sont ensemble en train de prendre, ils sont en communion ensemble et demain non. C'était toujours comme ça. You see something there. Fidèlement. Amen. He says steadfastly in the apostle doctrines, talking about the message. Amen. And fellowship. The fellowship. It was not just one day. Oh, 2 days. It was forever. Amen. Amen. Go to James, please. James 1. Wir lesen Jakobus 1. On va lire Jacques 1. Praise the Lord. Hallelujah. James 1. Amen. Amen. Don't be tired of Christ. Seid nicht müde um Christus. Seid nicht Christus müde. Amen. Jacques 1. Amen. Don't be tired of Christ Jesus. Never. Seid Christus niemals müde. Soyez jamais fatigué du Christ. Don't be tired of one another. Amen. Und seid auch nicht einander müde. Et soyez pas aussi fatigué l'un de l'autre. Don't be tired of your relationship with Christ Jesus. Seid nicht eurer Beziehung mit Christus müde. Ne soyez pas fatigué de votre relation avec le Christ. Don't be tired of your relationship with God Jesus. Sei auch nicht deiner Beziehung mit Kindern Gottes müde. Et ne soyez pas aussi fatigué de votre relation avec les enfants de Dieu. We are going to be together forever. No death can separate us. So you better know that. Denn wir werden in Ewigkeit zusammen. Not even death. Denn wir werden in Ewigkeit zusammenbleiben. Nichts kann uns trennen, nicht mal der Tod. Das heißt, solltet ihr euch daran gewöhnen. Parce qu'on sera ensemble pour toujours. Rien est capable de nous séparer, même pas la mort. So you better like me now. Deswegen solltet ihr mich lieber jetzt schon mögen. Et c'est pour cela on doit même, vous devrez commencer même à m'aimer aujourd'hui. Amen. Au cas où vous m'aimez pas. You know, you're natural family. It's a matter of time. You are no longer one. If they want to start after death, you see that they go to, I don't know. If without Christ, they go to hell. Amen. But God's children, we remain one. That's not us. We live together. That's saying forever. Praise the Lord. Hallelujah. You have chosen. Amen. You have chosen Christ. And it is here forever. Amen. Denn bei der natürlichen Familie wird irgendwann mal diese Trennung so oder so kommen. Denn sobald der Tod da ist, dann werdet ihr nicht mehr eins sein. Aber bei Kindern Gottes und der Familie von Christus werdet ihr in Ewigkeit eins sein. Und ihr habt euch dafür entschieden und deswegen solltet ihr euch daran gewöhnen, mit Kindern Gottes jetzt schon eins zu sein. On doit vraiment s'habituer à être un avec les enfants de Dieu, parce que avec votre famille naturelle, si eux ils n'ont pas choisi l'Éternel après la mort, ils seront à l'enfer, parce que c'est ce que la Bible dit, sans lui on n'est pas avec lui au royaume des cieux, mais avec les enfants de Dieu qui choisit aussi l'Éternel, là vous savez que même quand on va mourir, on sera ensemble, parce Amen. Que rien va nous séparer. The Bible suggests no end to the kingdom of heaven. No end. Die Bibel sagt, dass das Königreich des Himmels kein Ende hat. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de fin pour dans le royaume des cieux. Just like Jesus said in John, we read it, he said, if you eat me, you will never see death. Even death cannot take you away from me. Genauso das, was wir in Johannes gelesen haben, dass wenn wir wirklich Christus aufnehmen in uns, dass wir niemals den Tod sehen werden. Das heißt, der Tod kann uns ebenfalls niemals trennen von Christus. Et c'est pour cela que la Bible dit, si on voit, on mange, ou bien on est vraiment en Christ, la mort ne va pas nous séparer, donc il n'y a jamais la fin pour les enfants de Dieu. There's security in Christ. There's assurance. Amen. There's assurance. We have assurance. We are the only one that have assurance that after here we still live. We are the only one that have assurance. Und wir sind die einzigen, die diese Sicherheit in Christus haben, dass wir gewiss sein können, dass selbst wenn wir diese Erde verlassen, immer noch bei Christus sein werden. En Christ, nous sommes vraiment les seules personnes qui ont vraiment une sécurité et une assurance éternelle en Christ, parce qu'on sait que même si on meurt, on va mourir aujourd'hui, nous sommes chez Christ, nous sommes toujours en Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You already know James 1. Amen. Vous connaissez déjà Jacques 1. Verse 22. Jacobus 1, ab vers 22. Jacques 1, verset 22. It's a bit you... Let me see. Praise the Lord. Hallelujah. You know, verse 21 talk about soul. It says, wherefore? Ab Vers 21. Jacques 1, verse 21. Amen. I saw something there. That's why I just stopped. In verse 21. It says, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's word that is able. It's only Christ's word that can save your soul. Nur das Wort von Christus ist in der Lage, deine Seele zu retten. C'est pourquoi rejetant toute souilleur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est seulement à travers Christ qu'on peut sauver notre âme. It's only the message that can save your soul. Amen. Nur die Botschaft kann deine Seele retten. C'est seulement le message qui peut sauver ton âme. Amen. It's only the service and you know Bible study that can save your soul. You got to do it. It must continue. Nur die Gemeindedienste und nur die Bible Studies sind in der Lage, deine Seele zu erretten und deswegen muss das fortgeführt werden. C'est pour seulement l'Église ou bien même les écoles bibliques qui sont capables de sauver ton âme. C'est pour cela que tu es forcé à continuer à venir à l'Église et à écouter la vérité dans les écoles bibliques pour grandir, pour que ton âme puisse être renouvelée. Remember, the ministry is Christ. The Bible studies is Christ. Jesus said, without me, you can do nothing. Erinnert euch daran, dass die Gemeinde Christus ist und dass die Bibel Christus ist.